chez Dolbo Auto. L'automne est arrivé et nous payons les trois premiers mois de location sur le GMC Sierra 2017. Ou encore, venez voir l'Equinox 2017 à $22,995. Dolbo Auto, 1770 Boulevard Walbrook, Dolbo Mistassini. Au téléphone 418-276-0580. Tout le personnel et la direction de Dolbo Auto désirent vous rappeler qu'acheter localement préserve notre économie. Le de Dolbo Mistassini vraiment a connu sa première année dans la Ligue canadienne de football et ça s'est terminé dimanche. Les gens qui ont eu la chance de voir le match étaient entre les Bombers de Winnipeg et les Lions de Colombie-Britannique à Vancouver. Les Bombers qui dominaient la première demi se sont fait renverser en deuxième demi. Quoi qu'il en soit, on en parle avec Shane Gauthier. Salut Shane! Salut! Shane, quel match de football! Hein? Les gens qui ont pu voir le match de football, ce fut un match extraordinaire. Là. Oh oui, absolument. Je pense que c'est un match de fun à regarder pour les partisans. Malgré le fait qu'on ait perdu, ça a été un match super excitant à jouer. Là. Et ça s'est soldé par un placement raté du botteur à la fin, Medlock, qui est un des bons botteurs dans les Canadiennes par contre. Là. Mais qu'est-ce qui s'est passé en deuxième demi? Est-ce qu'on s'est assis un petit peu sur les lauriers? Parce que les Bombers ont dominé complètement la première demi, là. Je pense que les Lions, il faut leur donner crédit, se sont bien ajustés à ce qu'on faisait. Puis ils ont su profiter des occasions qui se sont présentées. Puis nous, on a manqué quelques occasions des arrêtés. Puis au final, je pense que c'est ça qui a joué en leur faveur un petit peu. OK. Shane, t'as terminé ta première année. Comment t'évalues ta première année? Est-ce que ça a été peut-être une année en deux temps, trois mouvements, peut-être en deux temps, des blessures. Par contre, quand tu es revenu, ça a bien été. Là. Oui, c'est certain. Il y a eu des hauts et des bas, c'est certain. Je pense que quand j'ai eu la chance de revenir au jeu, j'ai réussi à prendre mes chances puis à progresser beaucoup durant la saison. J'ai eu des bons commentaires des entraîneurs dans les meetings de départ. Je pense qu'ils sont tous contents de moi, puis ils espèrent que j'arrive en grande forme l'année prochaine. Je pense qu'ils ont des bonnes attentes envers moi aussi. OK, OK. Donc, qu'est-ce qu'on t'a dit? Tu t'as dit qu'on a eu des bons commentaires. Quels ont été les bons commentaires qu'on t'a dit? On savait dès le départ que c'était. Tu allais rentrer dans la Ligue canadienne par les unités spéciales. On a dit c'est souvent le cas pour un joueur comme toi. Mais est-ce qu'on veut peut-être utiliser plus en défensive l'an prochain? C'est quoi les projets pour les Bombers, pour Shane Gauthier? On parle pas vraiment de temps de jeu défensif. Je pense moi toujours être un joueur impliqué sur les unités spéciales. Je vais certainement réussir à avoir ma chance un de ces jours en défensive. Mais donc tous les coachs croient que c'est un bon joueur de football avec des bons instincts. De continuer de travailler fort, puis ils ont hâte de voir au camp l'an prochain comment ça va aller, puis comment je vais évoluer durant ce camp-là. OK. Ça va être quoi ta préparation cet hiver? J'imagine que tu reviens au Québec, tu restes pas à Winnipeg, que ça va être quoi? À partir de maintenant, qu'est-ce qui se passe pour toi? Là je vais sortir un petit peu du football pour les prochaines semaines, prendre du temps pour moi, pour ma famille, puis je vais retourner à. Je vais reprendre l'entraînement après les fêtes pour être en mesure d'arriver en grande forme au prochain temps, en mai prochain. OK. Est-ce que tu viens ici dans le secteur peut-être passer quelques jours de vacances? Oui, probablement. Je ne sais pas exactement à quand. C'est certain que je vais venir passer du temps à Dolbo Mistassini pour relaxer puis voir ma famille surtout. Okay. Et venir voir le Rouge et Or aussi, suivre le Rouge et Or aussi. C'est important, le Rouge et Or, là, parce que je pense qu'un gars... Ouais, je vais faire mon match samedi, je vais retourner à Québec vendredi, fait que je vais aller les encourager. Si je suis à la fin de la Coupe Vanier, je vais probablement me déplacer ici pour aller les encourager. OK. Shane, si on parlait maintenant des Bombers, c'était quand même une superbe année. Hein? C'était une année quand même... Écoute, il y avait de la pression sur Mike Hochet. Il a fait le bon choix. Au milieu de l'année, ça allait nulle part avec Drew Holley. Il a fait le bon choix en allant avec Matt Nichols. Et finalement, les Bombers, ils ont connu toute une fin de saison. Là. Et tu sais, pour se classer troisième dans une division extrêmement compétitif. La preuve, Edmonton est rendu dans l'Est, puis c'est pas surprenant d'y voir battre Ottawa dimanche. Donc, les Bombers, ils sont vraiment sur une bonne lancée, puis tant mieux, là, parce que je pense qu'il y avait beaucoup de pression sur Mike Oshie, là. Oui, je pense que Mike Oshie, il a fait un bon travail. Ça a été un long processus depuis les trois années qu'il est là. Il essaie d'établir une certaine philosophie. Puis, il a fait une bonne job cette année pour nous faire que les gars prennent son idéologie puis la mettent en application. Puis ça a donné ce que ça a donné. On a eu d'excellents moments durant la saison. Mais malheureusement, ça s'est terminé dimanche. Oui, effectivement. Malheureusement. Shane, félicitations encore une fois ta première année. Ça fut fort agréable. Puis au plaisir de se reparler. On va te suivre encore une fois l'été prochain. Merci. Shane Gauthier de Dolboom-Sisley.